Osmose. Osmose Radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Fighter Heim, Je sais même pas si je prononce correctement. Fighterheim, soyez les bienvenus, chers amis, en ce soir de Saint-Patrick sur Osmose Radio. Oui, vous, de l'autre côté du micro, là, oui, vous, les petits lutins, les farfadés, les banshees et autres créatures de ce début de soirée, créatures de la nuit, créatures petit peuple des bois, soyez les bienvenus pour cette soirée un petit peu particulière, puisque c'est la fête du Saint-Patron des Irlandais. Eh bien, ça m'aurait fait mal de ne pas vous faire une playlist ce soir consacrée à ce bien beau pays du nord-ouest de l'Europe, ce pays qui nous tient à cœur, l'Irlande. Et donc, vous l'aurez compris avec ce morceau d'introduction, ce morceau d'Alan Stivell, bon, qui n'est peut-être pas irlandais, mais qui n'en est pas moins plus ou moins celtisant, puisqu'il est breton. Alan Stivell avec le titre Ian Morrison Reel, c'est un morceau traditionnel, et où le reel, vous savez, c'est cette danse à la fois irlandaise et écossaise, et aussi la musique qui l'accompagne, vous l'aurez compris. Je suis très heureux de vous retrouver sur Osmose Radio, chers amis, moi, votre druide préféré, Stéphane, ainsi que mon technicien, le Corrigan, le meilleur Corrigan de la radio, à savoir Abel, et mon Patrick Buisson à moi, puisque dans son super dictaphone, il m'enregistre à mon insu, mais sauf qu'à la différence de Patrick Buisson, lui, il a le droit. Et on va continuer, alors, plutôt que de parler de l'actualité française, on va plutôt parler de l'actualité musicale irlandaise, et on va continuer avec un groupe culte, un groupe mythique, le fameux groupe de Shane McGowan, The Pogues, avec le titre The Broad Majestic Shannon. The Greeks, there was whiskey and sunburn and tears in her cheeks. He sang me a song that was pure as the breeze, and a road leading up Glenavie. I sat for a while at the crescent finner where young lovers would meet when the flowers were in bloom. Heard the men coming from the fire at Chiron, their hearts in Tipperary, wherever they go. Take my hand and dry your tears, babe. Take my hand. Forget your fears, babe. There's no pain, there's no more sorrow. They've all gone, gone in the years, babe. Sat for a while by the gap in the wharf, and a rusty tin can and an old hurdy ball. When the cards been dealt and the rosary call, and a when Shandon out. And the next time I see you, we'll down at the Greeks. There'll be whiskey and Sunday and tears in our cheeks. We're stupid to laugh and it's useless to bawl, but Rusty's in Canada and all her evil. Broad Majestic Shannon, le majestueux Shannon, donc le fleuve qui coupe l'Irlande en deux, hein, comme une certaine frontière qu'on ne nommera pas, même si l'actualité politique s'est calmée à ce niveau-là. Et donc un morceau de ce groupe mythique, The Pogues, c'était sur l'album If I Should Fall From Grace With God, c'était en 1988, c'était l'époque où Shane McGowan chantait avec eux avant qu'il se fasse virer et que The Pogues devienne un groupe insipide. Et voilà, donc c'était un groupe mythique de la scène irlandaise, un groupe ô combien caractéristique de l'énergie et de la rage que sont capables d'avoir les Irlandais, et c'est pas peu dire. Soirée de Saint-Patrick, hein, d'ailleurs, bah écoutez, hein, c'est l'occasion ou jamais de vous la souhaiter. Salut Patrick. magnifique contrebatterie. Et pour continuer avec grâce et bon goût, hein, je vais vous parler d'un, puisque j'avais commencé avec un musicien français, enfin il est breton mais il n'en est pas moins français, pour cette playlist, et que j'avais envie de parler de musique irlandaise, et bien je vais retourner le couteau dans la plaie et vous montrer que la musique irlandaise, enfin vous montrer, vous le saviez déjà mais vous le prouvez une fois de plus, que la musique irlandaise s'exporte ô combien et dans des endroits parfois tout à fait incongrus, puisque je vais vous parler d'un groupe qui nous vient d'Asie et qui reprend, qui fait de la musique irlandaise en fait. Il s'agit d'un groupe indonésien que j'ai découvert sur une compilation qui est d'ailleurs en libre téléchargement, je vous mettrai évidemment le lien sur Facebook. Une compilation qui s'appelle Celtic Folk Punk, et donc ce sont divers groupes qui ont proposé donc leurs morceaux et qui réinterprètent à leur sauce. Alors il y a des Américains, des Espagnols et ce groupe indonésien qui s'appelle Billy the Kid, rien à voir avec le groupe français des années 90. Billy the Kid qui donc chante en javanais ce morceau. Alors je sais pas du tout si c'est déjà passé à la radio française, mais en tout cas je suis bien content de vous le passer moi et de vous le faire découvrir, chers amis. Un extrait donc du folk punk celtique chanté en javanais, c'est tout de suite sur Osmose Radio. Billy the Kid avec le titre Oi Semarang. Anya sabo Vous aurez sans doute reconnu un morceau que vous connaissiez déjà, que je vous ai déjà diffusé il y a quelques émissions. C'était une reprise de The Cure, Why Can't I Be You? Et c'était repris par un groupe américain, un groupe de Floride, qui s'appelle Seven Nations. Vous savez, comme les sept nations de la coupe de rugby du même nom d'ailleurs. Et c'était enchaîné juste avant avec un groupe tout à fait inhabituel pour une playlist de musique celtique. C'était Billy the Kid, un groupe indonésien qui nous chantait donc Oi Semarang. Ça me fait marrer ce titre. Oi Semarang, c'est le nom du bled d'où ils viennent d'ailleurs, sur l'île de Java. C'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'ils disent que c'est un endroit rigolo, hein, Semarang. Quoi qu'il en soit, j'en sais rien, je ne parle pas javanais. Ce qui est moins marrant par contre, c'est que en Irlande, ils ont The Broad Majestic Shannon qu'on écoutait tout à l'heure, le majestueux Shannon. Chez nous, on a le Rhône qui est tout aussi majestueux mais légèrement plus radioactif. Enfin bref, c'est pas grave, on va se faire plaisir quand même. Et moi, je vais me faire plaisir en me vautrant dans la facilité, chers amis. Oui, la facilité, mais je n'en ai pas honte parce que ça fait toujours plaisir. Avec un groupe mythique là encore, U2 évidemment. Ce groupe qui s'est formé à Dublin en 1976 autour de Bono, The Edge et consorts. Et je vous propose un extrait de leur premier album sorti en 1981, Boy, et le titre I Will Follow. La voix de Gavin Friday avec le, qui chantait au sein des Virgin Prunes le titre Pagan Love Song. C'était enchaîné juste avant avec un morceau d'un groupe que vous, cultissime que vous connaissez forcément, U2, avec un morceau peut-être un peu moins connu, I Will Follow. C'était sur leur premier album en 1981. Un truc, excusez-moi, que j'ai omis de vous préciser tout à l'heure à propos du groupe Seven Nation qui reprenait un morceau de The Cure. Donc un groupe d'Orlando en Floride, un groupe américain, mais on sait que la diaspora irlandaise est importante, particulièrement importante aux États-Unis. Et cet album de reprise était vraiment intéressant puisqu'il donnait un petit grain irlandais à toutes ces mélodies qu'on connaissait forcément parce qu'elles viennent de ce groupe fondamental, le groupe de Robert Smith. Et c'était un album Celtic Rock Tribute to The Cure dont je vous mettrai évidemment là aussi le lien sur Facebook pour que vous puissiez y prêter de l'oreille. C'est vraiment des réinterprétations originales et plutôt agréables que je vous inviterai à redécouvrir de votre côté. Maintenant, alors un petit mot sur les Virgin Prunes, un groupe là aussi très important. C'était un groupe Bad Cave, donc vous savez ce rock un petit peu théâtral et ampoulé du début des années 80. Un Virgin Prunes avec ce titre Pagan Love Song. C'était un groupe qui était mené au début des années 80, donc pendant une petite dizaine d'années entre la fin des années 70 et 1986, année de la rupture, par Gavin Friday, qui avait ceci de commun avec Bono, chanteur de U2, qu'ils ont grandi dans la même rue en fait. Et donc ces deux là se connaissaient, hein, la scène musicale est assez petite à Dublin et c'était un groupe qui était connu notamment pour ses provocations, etc. Ne serait-ce que ce titre d'ailleurs, Pagan Love Song, parce que s'il y a une société qui est catholique en ce moment, c'est bien l'Irlande, et pourtant il y a ce vieux fond de religion pré-chrétienne et proto-chrétienne plutôt, et donc tous les cultes païens de la nature, des esprits patins couffins, tout ça. Et donc voilà, ils y faisaient une petite référence dans cette chanson. Maintenant on va aller faire des choses peut-être un peu plus expérimentales avec un groupe dont je pourrais pas vous en dire des masses parce que s'il est passé comme une flèche dans le paysage musical, mais ce qu'ils ont fait était ô combien intéressant. C'était Terror Dactyl, un groupe donc qui n'a rien de préhistorique, mais leur son était assez moderne, ça je vous prie de le croire. Et c'était un groupe de rock prog expérimental qui a tourné entre 2006-2008. Un groupe de Dublin là encore, hein, mais vous me direz, dans un pays de 4 millions d'habitants, une ville de 1 million d'habitants, ça rassemble beaucoup de monde en proportion. Et moi je vous propose de vous faire une idée du rock complètement barré de ce groupe qui n'existe plus, Terror Dactyl, avec le morceau Stingray. Instant, Émilie Simon avec le morceau Graines d'étoiles, et c'était enchaîné juste avant avec un groupe irlandais un petit peu barré, Terror Dactyl, et le titre Stingray. Alors Émilie Simon, vous me direz, mais c'est une fille de la région, qu'est-ce qu'elle a à faire dans une playlist consacrée à l'Irlande? Ben oui, chers amis, mais sur ce morceau, tiré de son premier album éponyme sorti en 2003, sur ce morceau Graines d'étoiles, elle s'était accompagnée, elle collaborait avec le chanteur Perry Blake, qui est un chanteur irlandais, un genre de crooner, hein, c'est l'équivalent irlandais européen de Nat King Cole aux États-Unis, quoi. C'est ce genre de mec, un Sinatra, on va dire, avec une belle voix grave et calme. Et donc ce mec, je l'aimais non seulement pour ses qualités musicales que j'ai découvert à la fin des années 90, mais aussi pour sa franchise et son franc-parler par rapport à la société dont il est issu, c'est-à-dire à la société irlandaise. Il y a quand même beaucoup de communication qui est faite en positif autour de l'Irlande, et à raison d'ailleurs, parce que c'est sans doute un pays très sympathique. Mais on connaît tous, hein, ce slogan de l'office de tourisme irlandais, hein, vous viendrez pour l'Irlande, vous reviendrez pour les Irlandais. Certes, je veux bien croire que c'est vrai, néanmoins, c'était quand même le pays où on a connu une des guerres de religion les plus meurtrières et un peu anachroniques ces dernières années, et en plus, c'est une société profondément réactionnaire. Et Perry Blake soulignait ça sans vergogne, et il s'est fait quelques ennemis d'ailleurs, comme ça, en disant que c'était quand même limite facho en Irlande que des keufs puissent aller à l'aéroport pour choper une Irlandaise qui allait en Angleterre se faire avorter, par exemple. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, donc quelques temps après la journée de la femme, je tenais quand même à souligner ce petit détail de cette société par ailleurs fort sympathique et dont les gens sont des musiciens dans l'âme, comme on vient d'en avoir un extrait pendant cette demi-heure passée ensemble. Bien, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Osmose Radio, vous êtes dans l'heure du loup, une playlist consacrée à l'Irlande en ce soir de Saint-Patrick, et on va continuer puisque l'Irlande a une très bonne scène folk, puisque l'Irlande a une très bonne scène rock et métal, et bien on va mélanger les deux avec du folk métal, un style que j'aime, hein, je vous l'ai déjà prouvé à maintes reprises, et on va continuer avec le groupe Cruachan, un extrait de l'album Folklore qui était sorti en 2002. Alors folklore, hein, c'est un terme qui vous le parle quand je vous le dis comme ça, mais il se trouve que sur la pochette de l'album il est en deux parties, folk-lore, et en fait c'est une métaphore, ça désigne le petit peuple des forêts, donc les lutins, les elfes, tout ça, tout autant que le petit peuple irlandais qui a subi un joug particulièrement violent pendant nombre de siècles, quelques siècles, et donc c'est le thème un peu de cet album de Cruachan, un groupe de folk metal irlandais, donc je vous propose d'écouter un titre tout de suite, un extrait de cet album Folklore sorti en 2002, The Children of Lear. We'll be right back. à l'instant, pour aller tout doucement vers la fin de cette émission déjà, c'était un Cradle of Filth avec le morceau Carmilla's Mask, et c'était enchaîné juste avant Croakan et le titre The Children of Lear, un extrait de l'album Folklore. Et pour Cradle of Filth, alors c'est certes pas un groupe irlandais, c'est un groupe anglais, mais dans ce titre, Carmilla's Mask, qui était sorti sur l'album Dusk Under Embrace en 1996, donc une petite parenthèse symphonique dans cet album de black metal, de ce groupe de black metal. C'était donc au milieu des années 90, et notamment il faisait référence à la fameuse, au fameux personnage Carmilla de Sheridan Le Fanu. Et s'il y a des auteurs qui ont contribué au style d'horreur, au roman gothique victorien et au style d'horreur en règle générale, et bien ce sont bien les Irlandais, notamment avec Bram Stoker pour Dracula évidemment, et Sheridan Le Fanu avec ce personnage de vampire féminin assez fascinant, Carmilla, donc si, un roman assez emblématique de cette période littéraire du 19e siècle. Voilà, j'espère que, chers amis, que cette playlist parfumée aux effluves des sels de Leprechaun et avec un petit goût de Guinness vous aura plu. Vous la retrouverez sur le site d'Osmose Radio, qui a été refondu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avec des tas de rubriques intéressantes. Vous le retrouverez dans la rubrique replay sous peu, avec notamment l'émission de Jimmy qui recevait ce soir les organisateurs de ce très, sans doute très bon festival qui aura lieu dans un peu moins de 15 jours, festival de rock. Et sinon, moi je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission dans laquelle je ferai un petit clin d'œil. En effet, sur Osmose Radio, il y aura Desireless qui sera interviewé, qui sera reçu dans les studios jeudi. Je vous invite évidemment à écouter cette émission. Et Desireless qui collabore pour un projet New Wave assez intéressant depuis quelques années avec un jeune homme qui s'appelle Antoine, qui lui-même a des projets musicaux fort intéressants. Et je vous en parlerai plus en détail avec une interview notamment lundi prochain. Voilà, ce sera donc avec un peu d'électro, un peu de folk, avec Tat et Operation of the Sun et bien entendu Desireless. Voilà, pour se quitter, chers amis, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à une bande originale d'un film très mignon que j'avais vu en 2008, un film irlandais avec Glenn Hansard, le chanteur du groupe The Frames, et Marketa Irglova. C'était l'histoire d'une petite Tchèque qui avait immigré en Irlande pour trouver du boulot, parce que si longtemps les Irlandais se sont exportés, et bien aujourd'hui c'est un pays d'immigration. Et un film très mignon que je vous invite à voir, et on va se quitter avec un extrait de la bande originale, If You Want Me. Et oui, moi je vous reveux, chers amis, pour la semaine prochaine. Allez, bisous mes loulous, à bientôt. Are you really here? Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth, for it's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore. But when I get really lonely and the distance causes only silence, I think of you smiling with pride in your eyes, a lover that sighs. If you want me, satisfy me. If you want me, satisfy me. Satisfied.